Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment se manifeste le recul de l'hétéronomie, le retrait du gouvernement par les lois, s'interroge le juriste Alain Supiot. Quels sont les effets structurels de ce recul sur l'ordre juridique? Comment chacun peut-il choisir la loi qui lui convient? Et comment peut-on devenir son propre législateur? Comment une société privée d'hétéronomie est-elle vouée à la guerre civile? Après son cours sur la gouvernance par les nombres diffusé l'an dernier, nous vous proposons cette semaine la suite de l'analyse d'Alain Supiot, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, qui explore cette semaine les figures de l'allégeance. Dans une interview donnée à Mediapart en 2016, Alain Supiot expliquait, et je le cite, « En régime démocratique, la loi exprime la volonté générale et procède donc d'une délibération de nature politique qui fixe les conditions d'intérêt général sous lesquelles chacun sera libre de poursuivre ses intérêts particuliers. » Dans le libéralisme à l'ancienne, les calculs économiques étaient ainsi placés sous l'égide de la loi. Le propre du néolibéralisme est de renverser cette hiérarchie et de faire de la loi l'expression de calculs d'utilité économique. La loi El Khomri est une manifestation parmi d'autres de ce renversement. Elle procède de calculs de certains économistes selon lesquels une moindre protection des droits des salariés engendrerait mécaniquement une baisse du chômage. Ces calculs sont contestés par d'autres économistes, mais pas la logique selon laquelle le droit du travail serait une affaire de calcul d'utilité. On parle aujourd'hui, indifféremment, de réforme du marché du travail ou du droit du travail, comme si le marché s'identifiait au droit. Et les experts convoqués dans les médias pour débattre de droit du travail sont essentiellement des économistes. Dans le cours précédent, Alain Supiot a analysé comment se développe la minoration de la sphère publique au profit de la sphère privée et comment, sous les effets de la soumission de l'ordre juridique à l'ordre économique, pouvait ressurgir la gouvernance par les hommes et les liens d'allégeance, chacun devant pouvoir compter sur la protection de ceux dont il dépend et sur le dévouement de ceux qui dépendent de lui. Alors, dans ce contexte, quels sont les pièges du recours au consentement individuel ? Comment peut-on perdre la valeur de la parole et quelles sont les impasses mortelles et éphémères du droit? Comment l'État totalitaire est-il un état de folie collective? Et avant ces extrêmes, comment se manifeste le dépérissement de l'État? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 7 mai 2014 pour le cours d'Alain Supiot, les figures de l'allégeance, aujourd'hui, le recul de l'hétéronomie, partie 2. Au plan juridique, cette inversion du rapport privé-public entraîne un mouvement de privatisation du pouvoir normatif. Ce mouvement résulte d'abord du rétrécissement de la sphère publique au profit de la sphère privée. La privatisation est alors une conséquence directe de l'attribution à des opérateurs privés de missions jadis assurées par l'État. On ne retrouve pas ce programme de dépérissement dans le droit de l'Union qui accorde au contraire une place structurelle aux États membres. Mais il s'agit d'une place subordonnée, dans la mesure où les États renoncent à leur souveraineté dans le domaine économique et monétaire. Et en particulier, l'institution du marché européen conduit à envisager la fonction sociale des États comme une dérogation d'interprétation restrictive aux libertés économiques garanties aux personnes privées. En réalité, le droit européen n'accorde pas une grande place, ne reconnaît pas tellement d'ailleurs la distinction droit privé et droit public. Ce qui fonde ce droit, c'est plutôt la distinction de l'économique, qui est l'objet central du droit communautaire, et du social, qui est une compétence réservée aux États. La Cour de justice définit ainsi l'entreprise comme toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement. Donnant cette définition, le juge communautaire fait de la notion d'activité économique une catégorie dogmatique qui désigne toute activité susceptible d'être assurée par une entité privée, peu important qu'elles exercent dans le secteur privé ou dans le secteur public d'un État membre. Alors, l'opposition ainsi établie entre des droits économiques qui seraient susceptibles d'être universels, parce que s'exerçant sur le marché, d'une part, et des droits sociaux qui seraient par nature particuliers, renvoyant à des solidarités locales, cette opposition est purement idéologique. Et en effet, il n'y a pas de lien de droit qui n'ait à la fois une dimension économique et une dimension sociale. C'est une distinction qui est purement dogmatique. Ça ne veut pas dire qu'il faille la négliger, puisque c'est celle, une des distinctions fondamentales qui sert au raisonnement de la jurisprudence européenne. Mais il faut la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire non pas une donnée de la science, une observation des faits, mais une construction dogmatique qui a pour corollaire la minoration du rôle de l'État, puisque la sphère du droit européen va mettre en surplomb l'économique par rapport au social. Bon, on a évoqué je crois, les arrêts Viking et Laval, qui ont été, ces arrêts ont marqué pour les spécialistes de droit social, ça les a plongés dans une dépression dont beaucoup, dont moi-même, ne sont pas sortis, puisque c'était des arrêts absolument cruciaux du point de vue du chemin que pouvait emprunter le droit européen dans le domaine social. Vous vous souvenez peut-être rapidement des faits dans l'affaire Laval, c'est une entreprise lettonienne, je crois, qui prend en charge un marché de construction en Suède et qui entend ne pas appliquer les conventions collectives suédoises. Bon. Alors les syndicats suédois font grève. Et l'entreprise dit, vous n'avez pas le droit de faire grève, ça porte une atteinte à ma liberté de circulation et de prestation de services, qui est une des libertés garanties par le traité. Bon. Il y avait en cause le droit de grève, l'égalité face au salaire, la force obligatoire des conventions collectives dans cet arrêt. Et la Cour dit, oui, ça porte une atteinte excessive. Alors, elle le fait en commençant par dire, le droit de grève, c'est un droit fondamental, protégé en tant que principe général du droit de l'Union, mais on ne peut l'exercer que si l'on prouve que l'atteinte qu'il porte à la liberté des échanges, puisque par nature une grève porte atteinte à la liberté des échanges, est justifiée pour des raisons impérieuses d'intérêt général. Et à supposer même que cette preuve soit rapportée, la Cour exige que l'action collective n'apporte pas à la liberté économique concernée une gêne excessive. Une gêne excessive. Et le bien nommé arrêt Viking est particulièrement instructif à cet égard, puisqu'il analyse le recours au pavillon de complaisance comme une mise en œuvre de la liberté d'établissement. Il faut le faire quand même. Recourir à des pavillons de complaisance, a priori, on disait, c'est pas bien, parce que ça concernait un peu des semi-pirates. On ne met pas le pavillon noir, mais enfin, on met un pavillon de complaisance. Donc il y a des luttes des syndicats de marins pour éviter ce recours au pavillon de complaisance, qui, bien entendu, va se traduire par une dégradation de la condition des marins. Eh bien, c'était le sujet de l'arrêt Viking, où on avait eu ce recours à un pavillon qui ne correspondait à aucun élément de rattachement dans l'activité de l'entreprise. Eh bien, la Cour dit qu'une action collective menée en vue de mettre en œuvre la politique de lutte contre les pavillons de complaisance doit être considérée comme étant, à tout le moins, de nature à restreindre l'exercice du droit de libre établissement. C'est donc bien tirer un trait égal entre pavillon de complaisance et droit de libre établissement. Donc, c'est une restriction à la liberté d'établissement, et donc, ça ne peut être admis que si ça poursuit un objectif légitime, compatible avec le traité, se justifie pour des raisons impérieuses d'intérêt général. Vous voyez que dans ce cas, on met la grève sous tutelle du juge. Au regard du droit français, en aucun cas, ce type de grève ne pourrait être condamné. si on fait grève contre un recours au pays de compétence, vous avez, vous êtes protégé par l'organisation de grève. Maintenant, au regard du droit européen, vous l'êtes. Que fera la Cour de cassation lorsque des employeurs vont invoquer le droit européen pour obtenir un changement des droits français? C'est une des choses qu'il faut suivre. Pour la Cour, écrit Pierre Audière, la question est toujours de vérifier si une entrave aux libertés peut être dérogatoirement consentie. On part de la liberté économique consacrée par le droit de l'Union pour autoriser, si vraiment nécessaire, une exception ou une dérogation. Donc, vous voyez, renversement de hiérarchie entre les figures de l'État social et celles des libertés de droit privé existant sur le marché. Ce sont des raisonnements du même ordre qui sont tenus au niveau européen en matière de ce que nous, Français, appelons les entreprises de services publics, puisque ces entreprises fonctionnaient plutôt souvent sur la base d'un certain monopole. Et la question s'est posée de savoir comment ces monopoles étaient compatibles avec la libre concurrence. Alors si vous avez la Poste, par exemple, qui avait le monopole du transport des courriers, elle n'a plus. Hein. L'argument consistait à dire, c'est ouvert à la concurrence va se mettre uniquement sur les niches rentables de courriers, et il n'y aura plus personne pour porter la carte de vœux de la grand-mère dans le fond de la Corrèze. Donc il faut permettre aux entreprises publiques d'avoir un modèle économique, comme on dit maintenant, viable, et donc ça pouvait justifier des restrictions de concurrence. Mais si vous regardez la jurisprudence relative aux entreprises de services publics, vous avez le même type de raisonnement, c'est-à-dire que on dit, bon, c'est une dérogation d'interprétation restrictive, et on va voir si toutes les conditions sont remplies. Et sur l'exemple de la Poste, on voit bien que progressivement, en fait, il y a plus ou moins une évaporation de l'idée d'entreprises qui, dans le vocabulaire européen, ce sont les entreprises d'intérêt économique général. Alors, cette minoration de la sphère publique au profit de la sphère privée s'observe aussi en droit interne, et notamment avec le démantèlement progressif du principe d'ordre public social. Alors, comme les questions de droit social nous intéressent évidemment au premier chef, je vais m'y arrêter un instant. D'autant que ce principe dit de l'ordre public social était vraiment la clé de voûte du modèle français de relations professionnelles, et que sa remise en cause progressive est particulièrement révélatrice de ce que veut dire la privatisation des normes en droit social. En droit commun des contrats, un contrat de droit privé ne peut pas déroger en principe à des dispositions d'ordre public. Mais les choses ont toujours été plus compliquées en droit du travail, où l'on a distingué deux sortes d'ordre public. L'ordre public absolu, alors celui-là c'est le même que celui qu'on connaît en droit civil, et l'ordre public social. Cette distinction a été opérée par le Conseil d'État en 1973, dans des termes qui sont reproduits ici, et selon lesquels les dispositions législatives ou réglementaires dans le domaine du droit du travail présentent un caractère d'ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux, lesquels ne peuvent en aucun cas être supprimés ou réduits, mais sans faire obstacle à ce que ces garanties ou avantages soient accrus. C'est ça la formule clé. C'est-à-dire, l'ordre public, c'est un plancher qui permet d'améliorer la situation des salariés, soit dans des conventions collectives, soit dans le contrat individuel de travail. Mais, en revanche, on ne peut pas aller en dessous de ce plancher. L'ordre public absolu est donc, en droit social, l'exception. Et la règle, c'est l'ordre public social. Et c'est même, selon le Conseil d'État, un principe général du droit du travail dont s'inspirent les dispositions du Code. Le Conseil d'État a affirmé ça en 1994. S'inspirent les dispositions du Code du travail selon lesquelles une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur, il ne peut déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. Donc là, il faut entendre d'ordre public absolu. Donc, sauf disposition d'ordre public absolu, une convention peut déroger à une disposition légale ou réglementaire sous condition qu'elle soit plus favorable aux salariés. On parle alors de dérogation in melius, améliore en latin, par opposition aux dérogations in peius, qui sont défavorables et qui sont, elles, prohibées. Alors c'est ce principe qui régit les relations entre sources légales et conventionnelles. Au passage, parce que quand même il faut faire un petit peu de technique juridique par moment, Il ne faut pas confondre ce principe de l'ordre public social avec un autre qu'on appelle le principe de faveur. Le principe de faveur sert à désigner les dispositions conventionnelles applicables en cas de divergence entre différentes conventions collectives qui ont toutes vocation à s'appliquer à une même relation de travail, ou bien en cas de divergence entre une convention collective et un contrat individuel de travail. Si vous êtes dans une situation où on a, par exemple, un concours de conventions collectives, il y a une convention territoriale qui s'applique à une convention de branche, on se demande comment on va combiner les deux. À ce moment-là, c'est le principe de faveur, on va retenir les dispositions les plus favorables de chacune des deux conventions. Alors, l'ordre public social pose au contraire une condition de validité des dispositions conventionnelles, alors que le principe de faveur pose une condition d'applicabilité de ces dispositions. Alors, c'est la raison pour laquelle seul l'ordre public social concerne la question de la privatisation du pouvoir normatif qui nous occupe ici. Par pouvoir normatif, j'entends le pouvoir de poser des règles qui s'imposeront à d'autres que les auteurs de cette règle. Là encore, un tel pouvoir n'existait pas en droit commun des contrats. Les faits relatifs des contrats interdisant qu'ils puissent être créateurs d'obligations pour des tiers. C'est l'article 1165 du Code civil, la seule exception étant la stipulation pour autrui. Alors, si on regarde un peu rétroactivement le droit du travail, en conférant aux syndicats et aux organisations patronales le droit d'imposer aux employeurs des obligations non prévues par la loi ou le règlement, eh bien, le droit du travail avait déjà réintroduit, sous des formes nouvelles, des pratiques qu'on peut dire néo-corporatistes, c'est-à-dire qui consistent à reconnaître une fonction réglementaire à des groupements intermédiaires qui relèvent du droit privé, ce qui est le cas des syndicats ou des employeurs. Alors, dans un article, d'ailleurs déjà fort ancien, je m'étais forcé sans grand succès de montrer que la France n'échappait pas à ce mouvement plus général de néocorporatisme, qui était alors bien repéré dans la littérature étrangère en sciences politiques. Et par conséquent, dans la mesure où ils peuvent déroger à l'effet relatif des conventions, in melius au droit du travail, et plus tardivement au droit de la sécurité sociale, le législateur avait ainsi commencé à admettre que ces personnes privées disposaient d'un certain pouvoir normatif. Et donc l'ordre public social constituait, dès l'origine, un premier vecteur de la privatisation du pouvoir normatif. Mais ce pouvoir était strictement cantonné à une fonction sociale d'amélioration du sort de la partie faible au contrat de travail. Servant à compléter l'action de la République sociale, il ne remettait pas en cause la hiérarchie du public et du privé. Alors, il en va différemment aujourd'hui, depuis que les partenaires sociaux ont été autorisés à écarter des dispositions protectrices des salariés pour y substituer leur propre réglementation des relations de travail. Donc ça, c'est un changement complet, c'est-à-dire qu'on va autoriser les employeurs et les syndicats à convenir de règles qui peuvent être moins favorables aux salariés que les règles prévues par la loi. Ce dispositif est apparu en 1981, dans ce qu'on appelait les accords dérogatoires en matière d'aménagement du temps de travail. C'était une toute petite chose en 1981, cet accord dérogatoire. On disait qu'il faut permettre aux entreprises d'avoir une certaine souplesse dans l'aménagement de leur temps de travail. Donc, il y a une loi qui s'applique, qui est protectrice des salariés, mais si les syndicats sont d'accord dans une entreprise, on peut déroger et sans avoir à se demander si c'est plus favorable ou moins favorable aux salariés. Mais depuis 1981, cette technique n'a cessé de s'étendre. Et elle s'est étendue encore avec l'adoption de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. Et cette extension continue des possibilités d'écarter la loi et le règlement au profit de la source privée, éventuellement moins favorable, ça a donné progressivement corps à ce qui était un très vieux projet de ce qui s'appelait à l'époque le CNPF, le Conseil national du patronat français, qui s'appelait le projet de contrat collectif d'entreprise. C'est un projet qui avait été développé, je pense, je crois me souvenir, c'était sous le gouvernement de M. Raymond Barre, et donc ça remonte à quand même assez longtemps. Je me souviens d'un titre, d'un numéro de la revue de droit social, « Faut-il brûler le code du travail ?» Les bûchers étaient déjà prêts. Et la réponse du contrat collectif d'entreprise était une réponse élégante, si je puis dire, en disant « Non, c'est pas nécessaire de le brûler, simplement, il faut permettre à toutes les entreprises qui le souhaitent de négocier des accords qui débranchent, on ne brûle pas, on débranche le Code du travail, pour y substituer des dispositions négociées avec les syndicats de l'entreprise, et tout deviendrait dérogeable, sauf un tout petit nombre de principes d'ordre public absolu qui seraient réservés aux législateurs. Eh bien, on voit peu à peu ce modèle prendre corps. Je ne vais pas retracer l'historique de ces dispositifs, mais vous voyez, c'est là, le droit du travail est un bon lieu d'observation de cette privatisation progressive des sources du droit. Je ne porte pas de jugement, hein, c'est d'ailleurs un conseil que je me permets de donner à tous ceux qui veulent aborder un peu la matière sous l'angle d'une analyse juridique, c'est que le droit nous permet de comprendre ce qui se passe. Donc avant de porter des jugements de valeur, il faut d'abord se doter des moyens de comprendre le mouvement. Or ce mouvement, tout le monde s'accorde pour dire que c'est un mouvement de fond dans la théorie des sources du droit du travail. Et ce mouvement de fond, c'est celui d'une privatisation progressive des sources. Alors, cette domination du privé sur le public résulte aussi de manière indirecte de la mise en œuvre de la doctrine du New Public Management, et cette doctrine promeut l'application à l'administration publique des méthodes de management en vigueur dans les entreprises privées, donc avec l'introduction aussi au moins d'un vocabulaire contractuel. L'idée de soumettre d'ailleurs la société tout entière à une même science des organisations fondée sur les seuls critères d'efficacité n'a rien de neuf. C'était déjà présent dans la révolution bolchevique. Et les retrouvailles fusionnelles de ces deux versants de l'occidentalisation du monde que furent le capitalisme et le communisme ont donné naissance donc à l'utopie d'un monde qui serait désormais gérable et calculable, où la gouvernance supplanterait le gouvernement par les lois. Et dans une telle perspective, la loi ne disparaît pas, mais elle n'apparaît plus comme une norme qui transcende les intérêts individuels, mais comme un instrument à leur service. Une fois la volonté individuelle érigée en condition nécessaire et suffisante du lien de droit, chacun doit pouvoir choisir la loi qui lui convient, c'est-à-dire avoir la loi pour soi, et chacun doit pouvoir devenir son propre législateur, c'est-à-dire avoir soi pour loi. Et les manifestations de ces deux tendances sont nombreuses en droit positif, et je vais, en guise de conclusion de ce chapitre, en évoquer rapidement quelques-unes avant de vous montrer comment elles se combinent en droit du travail. Donc, première devise, la loi pour soi. C'est une devise qui rend bien compte des cas de plus en plus nombreux, dans lesquels une personne a le droit de choisir la loi qui s'appliquera à elle et peut ainsi s'affranchir d'une règle commune s'appliquant également à tous. Je ne vais pas insister sur ce point puisque nous l'avons évoqué l'an dernier. Nous avons notamment vu que cette conception était en fait celle qui prévalait dans le communisme réel, où les prérogatives de chacun dépendait de la position qu'il parvenait à occuper dans l'appareil de pouvoir et non de l'application d'une loi générale et abstraite. D'ailleurs, c'est pourquoi ces pays ont pu se convertir aussi facilement à la fois dans la subordination du public au privé. L'une des terres d'élection de cette devise, la loi pour soi, c'est le droit international privé. Le droit international privé est une terre d'élection, c'est renversement, parce que la liberté de choix de la loi applicable par les contractants, qui a toujours été une des règles, c'est en droit international privé que naît la notion d'autonomie de la volonté, c'est l'autonomie, le choix de la loi qui sera appliquée à une convention. Et cette idée a trouvé une nouvelle jeunesse avec la libre circulation des marchandises et des capitaux. Ça a été bien montré dans les travaux de Mme Horacia Muirvat. On a eu un déplacement de logique en droit international privé. On est passé d'une logique de rattachement d'une situation déterminée à une loi en recourant à des critères objectifs. Donc il y avait des critères objectifs de rattachement d'une opération à ce qu'on appelle un fort, c'est-à-dire un forum déterminé. Et il y avait aussi, corollaire de ça, le principe d'application impérative des lois de police de ce fort. Donc, c'est-à-dire, vous avez passé un contrat dans telle et telle condition, donc on se demandait, alors voilà, compte tenu des éléments de rattachement, ce contrat relève de telle loi, Et dans le contrat, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de vous émanciper ou d'écarter des dispositions de cette loi, ainsi désignées, qui seraient des lois de police, c'est-à-dire qui sont impératives. Eh bien, ces mécanismes ont perdu de leur force et de leur pertinence dans un monde où les opérateurs économiques sont libres de déplacer à leur guise leurs produits, leurs lieux de production et leurs profits. Et dès lors, le vieux principe d'autonomie de la volonté, que le droit international privé avait fait naître à la vie juridique il y a un siècle et demi, peut être mobilisé pour fonder un marché international des normes, sur lequel les droits nationaux apparaissent comme des produits en compétition, offerts à des chalands en quête du meilleur rapport qualité-prix. Cette pratique de low shopping permet donc aux personnes privées de choisir le cadre public le plus propice à la maximisation de leurs utilités individuelles. Et c'est cette idée qui a été consacrée par la Cour de justice européenne, qui est manifestement dominée par la doctrine Law and Economics, dans l'arrêt Santros. Je propose qu'on le lit ensemble, on le décrypte. Bon, le traité, enfin, les dispositions du traité s'opposent à ce qu'un État membre refuse l'immatriculation, autrement dit, il faut lire, un État membre n'a pas le droit de refuser l'immatriculation d'une succursale, d'une société constituée en conformité avec la législation d'un autre État membre, dans lequel elle a son siège, sans y exercer d'activité commerciale, lorsque la succursale est destinée à permettre à la société en cause d'exercer l'ensemble de son activité dans l'État où cette succursale sera constituée, en évitant d'y constituer une société et en éludant ainsi l'application des règles de constitution des sociétés qui y sont plus contraignantes. Voilà la langue avec laquelle nous avons affaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous souhaitez faire des affaires, par exemple, en Allemagne. Bon. Mais si vous constituez votre société sous le droit allemand, ça va vous coûter tant. Puis il y a des conditions, on va vérifier ceci, cela, il y a des contraintes, vous ne voulez pas qu'on vienne voir dans vos comptes, je ne sais pas. Bon. En revanche, si vous constituez cette société, disons, au hasard, au Luxembourg, là, ça sera bien plus commode. Bon. Alors, qu'est-ce qu'avait fait l'entreprise dans l'affaire Santros ? Elle constitue sa société au Luxembourg, et puis elle crée une succursale en Allemagne, qui n'est donc pas une personne morale distincte, qui va continuer à relever du droit luxembourgeois, de l'entreprise elle-même. Et toutes les activités de l'entreprise passent par sa succursale. Alors, évidemment, le gouvernement en cause disait « ça ne va pas parce qu'on permet le développement d'activités économiques sur mon territoire par une société qui n'a pas d'activité ailleurs, mais qui s'exonère, qui élude, dit le cours, vous voyez, qui élude l'application des règles parce qu'elles sont plus contraignantes. » Donc cet arrêt, pour le dire en clair, il consacre le droit pour une entreprise d'éluder les règles de l'État où cette entreprise exerce toutes ses activités, en s'immatriculant dans un autre État dont les règles sont moins contraignantes. On retrouve ce qu'on a vu dans l'arrêt Viking, c'est-à-dire on étend à la terre ferme le recours au pavillon de complaisance. L'entreprise est libre de choisir la loi qui lui est la plus avantageuse, quel que soit le lieu où elle opère, et la libre poursuite des intérêts privés prend ici clairement le pas sur le respect de l'ordre public. Et vous savez que c'est donc cette solution qui a été étendue au droit du travail dans les arrêts Laval et Viking. Alors, bon, c'est ce qu'on appelle « law shopping », le marché du droit, le marché des produits législatifs. Évidemment, on peut douter que ça soit compatible avec la « rule of law », parce que le règne du droit, dont parlait déjà Platon, où la loi règne, si chacun peut s'échapper comme il veut, il n'y a plus de règne du droit. Donc il me semble qu'entre le règne du droit et le marché du droit, on ne peut pas avoir les deux, en tout cas. Et en tout cas, aussi, l'idée selon laquelle il n'est pas de contrat sans loi se trouve renversée au profit de la maxime inverse, selon laquelle il n'y aurait pas de loi sans contrat, c'est-à-dire sans contractant qui s'accorde pour l'appliquer. Et la seule loi qui vaudrait en fin de compte, c'est la poursuite par chacun de son intérêt individuel. On comprend dans ce contexte la signification de la théorie de l'efficient breach of contract telle que je vous l'ai exposée l'année dernière. C'est-à-dire j'ai promis de vendre un produit à M. Primus, des médicaments dont il a besoin. On s'est entendu sur un prix de 100 euros. Et puis quelqu'un m'en propose 1000, M. Segundus. Eh bien, la théorie économique dit il faut donner à Segundus, parce que vous allez toucher 1000, ça veut dire qu'en termes d'allocation de la ressource, s'il est prêt à mettre 1000, c'est que ça sera mieux d'employer là où il y a 1000. Et puis vous indemnisez Primus, si vous lui avez 100, vous lui donnez 200. Donc vous faites quand même 800 de bénéfices. Celui qui était prêt à payer 1000 a son produit, et l'autre, bah, il a une indemnité. Donc on est dans le meilleur des mondes possibles. Bon. La seule chose qu'on perd en route, si je puis dire, c'est la valeur de la parole. Et c'est logique, la récusation de toute hétéronomie conduit nécessairement à ce que la parole elle-même cesse de faire loi. Je vous ai dit tout à fait en commençant que la langue était la matrice de l'hétéronomie, de ce montage hétéronomie-autonomie. Bon, voilà pour avoir la loi pour soi. Deuxième aspect, ou deuxième devise complémentaire, soi pour loi. Le législateur, c'est moi. Bon. Ça peut désigner les cas où le droit de se soustraire à la loi est reconnu à une personne privée qui est ainsi érigée en législateur d'elle-même. Cette devise dessine un univers juridique dans lequel la volonté individuelle devient la source ultime de la règle de droit. Chaque individu y étant considéré, et j'emprunte ce terme cinéaste Wim Wenders, comme un mini-État. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, Les ailes du désir. Voilà, c'est un chauffeur de taxi, je crois me souvenir, qui dit ça. Le peuple allemand a éclaté en autant de mini-États qu'il y a d'individus. Alors, sur cette pente, les règles que l'on pouvait croire les mieux assurées vacillent. J'en prends, par exemple, la règle, l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Cette interdiction se trouve aujourd'hui remise en cause dans l'évolution récente de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la torture. En 1997, elle avait encore jugé que l'un des rôles indiscutablement dévolus à l'État est la régulation par le jeu du droit pénal des pratiques qui entraînent des dommages corporels, que ces actes soient commis dans un cadre sexuel n'y change rien. Donc, il n'y avait pas d'excuse SM, si je puis dire. En 2005, elle a abandonné cette vérité indiscutable. C'était une affaire curieuse où il y avait un juge et un médecin, qui étaient deux potes, si je puis dire, et leur distraction favorite consistait à torturer la femme du médecin, qui faisait des photos et des films qu'il vendait. Et un jour, les Pandore belges tombent sur le film, et voilà qu'on poursuit le médecin, Marie. Et il dit, mais j'exerce un droit de l'homme. C'est le droit à ma vie privée. Donc la Cour a eu à se prononcer. Est-ce que le fait d'exercer des sévices corporels dans le cadre d'une pratique consentie, l'épouse n'avait pas porté plainte, est-ce que ça peut relever du droit de la protection de la vie privée? Sur le principe, la Cour a dit oui. Simplement, il y a un moment dans le film, il y avait un code entre eux où quand ils disaient pitié, ils devaient arrêter, puis à un moment où ils disaient pitié, puis ils n'arrêtaient pas tout de suite. Alors, ils ont dit, mais là, il y a un petit moment où elle a cessé de consentir, donc bon, on peut le poursuivre quand même. Bon. Et sur le principe, on a dit, le droit pénal ne peut en principe intervenir dans le domaine des pratiques sexuelles consenties qui relèvent du libre arbitre des individus. Alors, faire du droit de torturer sa femme un droit de l'homme, ça, c'est fort de café, ça. Ça, je pense que les auteurs des déclarations, s'ils entendent ça dans leur tombe, ça doit leur faire bizarre. Mais c'est un bon exemple où finalement, c'est le consentement souverain qui va permettre d'écarter ce qui paraît comme une loi, normalement, l'interdit de porter atteinte à l'intégrité physique, ça paraît une interdit. Alors, depuis, il y a eu d'autres affaires, vous avez peut-être suivi. De types qui se sont fait tuer en Allemagne volontairement, découpés en rondelles, on s'est demandé, oui, mais s'il était consentant, est-ce qu'on peut... Donc c'est le consentement qui devient la clé ultime de la légitimité d'une règle, le consentement individuel. Évidemment, cette interprétation consacre la toute-puissance de la volonté qu'invoquait déjà Göring lorsqu'il définissait le droit comme notre bon plaisir. Et François Host, collègue et ami François Host, qui a écrit un livre sur le droit et le marquis de Sade, observe justement que l'un des ressorts du plaisir du héros sadien consiste, je cite François Host, à substituer à la loi commune une loi d'exception dont il est le seul auteur, privant ainsi ses victimes du droit d'invoquer la protection collective. Ça a été bien mis en image par Pasolini, là aussi dans Salo, dans son dernier film. Du coup, au lieu de canaliser les passions humaines et de tenir à distance la part obscure qui est tapie en tout être humain, le droit sert à leur donner libre cours. Et évidemment, on peut dire que le point remarquable de ces emplois pervers du droit, c'est qu'ils n'ont jamais duré bien longtemps, puisqu'ils ont forcément conduit à des impasses dont il a bien fallu sortir. Vu du point de vue du droit social qui est le nôtre, cette montée de la référence exclusive au consentement individuel pour écarter la force impérative de toute règle, c'est-à-dire pour disqualifier a priori toute forme d'hétéronomie, ça rappelle quelque chose. C'est-à-dire que dans l'enfance du droit du travail, c'est le consentement des ouvriers qui servait déjà à justifier les conditions de travail inhumaines. Et le droit social tout entier s'est construit contre l'idée que le consentement des faibles suffisait à justifier la domination des forts. Et cette méfiance demeure ancrée dans notre droit du travail, même si on la voit céder ici ou là. Parce que ici ou là, on voit, au nom de la liberté individuelle ou de la flexibilité, admettre plus facilement que le consentement individuel du salarié puisse suffire à le priver d'une protection légale ou conventionnelle. Ce sont tous les débats auxquels vous avez pu assister comme moi sur « bon, mais si je suis volontaire pour aller travailler dimanche, etc. » Alors, il ne s'agit pas de faire preuve là en ce domaine de dogmatisme, parce qu'il y a peut-être des règles ou un certain nombre de règles vis-à-vis desquelles les salariés sont réellement en situation de faire des choix. Mais quand je dis méfiance a priori, ça ne veut pas dire disqualification de toute forme de consentement du salarié, mais une méfiance, dans un premier temps. Bon, s'agissant du travail du dimanche, il est clair que les conditions, les moments d'organisation de temps collectif d'arrêt sont à l'organisation du temps, ce que les places publiques sont à l'organisation de l'espace. C'est des moments d'une respiration sociale, et ce qui veut dire qu'en termes éducatifs, bien sûr, les pères et la mère pourront se relayer le dimanche pour s'occuper des enfants, mais on voit mal comment ça peut se concilier avec le droit à une vie familiale normale qui est aussi consacré par la Convention européenne des droits de l'homme, et non seulement avec ce droit, mais avec la capacité d'élever les enfants en question. Bon. Alors ensuite, on fait signer des contrats d'éducation parentale quand les enfants se comportent mal. Mais ce n'est pas très cohérent d'un moment de créer les conditions qui interdisent d'avoir des vies familiales normales, plutôt dans les classes populaires, parce que c'est quand même là aussi massivement les vendeurs des magasins en question. Donc d'un côté, disloquer les conditions temporelles d'une sociabilité normale, et puis de l'autre, s'étonner des effets que ça peut avoir en termes sociaux. Mais là encore, on voit cette montée de la référence au consentement individuel. Et dans d'autres pays que la France, ce mouvement s'est exprimé de façon beaucoup plus radicale, comme le montre par exemple l'instauration au Royaume-Uni des contrats dits « zéro heure », sur lesquels je reviendrai aussi, où un salarié employé en vertu d'un tel contrat n'a aucune garantie d'être employé, mais doit se tenir à la disposition de l'employeur au cas où ce dernier requérait ses services. Et il est payé exclusivement en fonction du nombre d'heures. C'est comme une prise de courant électrique, vous branchez et vous payez uniquement votre consommation, sans avoir à payer d'abonnement, si je puis dire. Bon, ça c'est un retour sous une forme particulièrement caricaturale à des liens d'allégeance. Quand vous êtes là, vous êtes dans la dépendance de quelqu'un sans aucune espèce de garantie contractuelle. C'est une forme d'allégeance à l'état pur, mais qui s'apparente plutôt à la servitude. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes, sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir. Le Collège de France et France Culture vous présentent le juriste Alain Supiot, les figures de l'allégeance, aujourd'hui, le recul de l'hétéronomie, partie 2. J'ai déjà assez évoqué le chapitre 1, donc on va passer à quelque chose de plus rassurant. C'est-à-dire, ce qui nous est dessiné là, est-ce que c'est soutenable? Ce qui nous est dessiné là, c'est une société dont on imaginerait idéalement, pour les besoins de l'esprit, qu'elle soit entièrement peuplée d'individus autonomes, où chacun serait un souverain absolu, ne dépendant de rien d'autre que de sa volonté propre. Essayons de nous représenter une telle société, eh bien, on peut se dire qu'elle est vouée à la guerre civile. On peut le regretter. On peut rêver d'un monde qui serait exclusivement régi par l'amour ou par l'ajustement des calculs d'intérêt. Mais ni l'amour ni l'intérêt ne peuvent suffire à solidariser les hommes, à les faire tenir ensemble dans une même société. Et si on confond ce rêve avec la réalité, alors on fait nécessairement le lit de la violence. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans ce chapitre. Alors ce rêve, ou plutôt cette promesse d'un monde qui serait purgé de l'hétéronomie de la loi, est d'origine chrétienne. Et elle ne se retrouve pas dans les deux autres religions du livre. Et elle est caractéristique d'une philosophie de l'histoire, celle que j'ai déjà évoquée, étudiée par Karl Löwith, celle de l'histoire comme d'une marche, d'un progrès vers la communion des saints, qui a connu de nombreux avatars depuis les origines du christianisme. Et l'auteur séminal, ici comme très souvent dès qu'il est question de christianisme, c'est saint Paul. Dans deux épîtres très fameuses, saint Paul a proclamé la fin du temps de la loi et l'avènement du temps de la grâce, c'est-à-dire d'un temps où tous, indistinctement, communieraient dans une même foi. Alors, c'est un événement très important dans l'histoire du droit, ces deux épîtres de Paul, puisque avant Paul, et Paul, vous allez voir, s'adresse à ses frères juifs, en leur disant « Vous êtes soumis à la loi, c'est la loi mosaïque, c'est fini le temps de la loi. Qu'est-ce qui va remplacer la loi ? La grâce. » La première de ces deux épîtres, et qui est aussi la plus enflammée, est celle qu'il a adressée aux Galates. C'était de pieux juifs attachés justement au respect de la loi avec un grand L, celle de Moïse, qui donne au peuple juif son identité et sa solidité. Voilà ce qu'il écrit. « Avant la venue de la foi, nous étions sous la garde de la loi, réservée à la foi qui devait se révéler. Ainsi, la loi nous servit-elle de pédagogue jusqu'au Christ pour que nous obtenions de la foi notre justification. » Vous voyez, la loi comme pédagogue, la loi comme tuteur. Mais la foi venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi, dans le Christ Jésus. Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous, vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Alors, si vous me permettez ces anachronismes, ce texte enflammé annonce à la fois la mondialisation et Simone de Beauvoir. Il annonce la mondialisation car le message du Christ s'adresse indistinctement à tous les hommes. Il n'y a plus lieu de distinguer parmi eux, selon leur nationalité, il n'y a pas ni juif ni grec, ni selon leur statut juridique et social, il n'y a ni esclave ni homme libre. Il annonce Simone de Beauvoir, parce que l'énoncé « on ne naît pas femme, on le devient », il faut bien reconnaître quand même que c'est déjà chez saint Paul. Et à l'instar des distinctions selon la nationalité et les statuts sociaux, la distinction des hommes et des femmes serait une construction légale, appelée elle aussi à s'effacer, pour laisser place à la communion du genre humain dans une même foi. Voilà l'idéal œcuménique. Plus de loi, l'amour, entre frères, absolument égaux et indistincts. Et cet idéal, les communautés chrétiennes devaient le préfigurer ici-bas. Mais cet idéal ne doit se réaliser pleinement qu'à la fin des temps. Alors, à l'époque de Paul, on pensait qu'il n'y aurait pas à attendre trop longtemps. En fait, ça dure un peu. Mais d'ici là, quel rapport les chrétiens doivent-ils entretenir avec la loi? Alors, Paul répond à cette question sur un ton beaucoup plus apaisé dans l'autre épître dont je voulais vous parler, qui est l'épître aux Romains. Les Romains, ça vous dit quelque chose, le droit romain. Et Paul sait, il écrit expressément qu'il parle, je cite, « à des experts en fait de loi ». Bon, donc il fait attention. C'est beaucoup plus apaisé comme ton, elle est très intéressante évidemment aussi, l'épître aux Romains. Il distingue la loi contingente qui est imposée par les autorités en charge. Cette loi-là, il faut l'obéir, dit-il, parce qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont constituées par Dieu. Au fond, Dieu vous envoie des législateurs, ils peuvent être bons, ils peuvent être mauvais, mais il faut faire avec. Bon, ça, les orthodoxes ont retenu ça, beaucoup. Donc on leur obéit, ils sont là, c'est parce que Dieu l'a voulu. Bon. Ça, c'est un aspect. Et puis il y a une autre loi, qui est une loi plus haute, qui s'impose aux chrétiens. Donc vous allez dire, quand même, il y a place pour une loi chez saint Paul. Non, parce que quand on regarde ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains, cette loi n'en est pas vraiment une. Il n'en parle que pour mieux la dissoudre dans l'amour mutuel. N'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel, car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte « tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas » et tous les autres se résument en cette formule « tu aimeras ton prochain comme toi-même, la charité ne fait point de tort au prochain, la charité est donc la loi » dans sa plénitude. Il ne disait pas le care encore, c'est venu plus tardivement et ça a disparu aussi beaucoup plus vite que les épîtres aux Romains. Mais c'est l'idée de l'amour comme ciment de la société des chrétiens. Alors, cet épître aux Romains a donné lieu à des montagnes de gloses et je n'en retiendrai qu'une seule remarque qui a été faite par un savant qui s'appelle Jacob Taubes, qui est mort il y a quelques années. Et commentant ce passage, il dit, c'est bizarre, Paul ne dit rien de l'amour de Dieu. Il ne dit pas, la loi, c'est d'aimer Dieu et autrui, enfin, et son prochain. Non, c'est aimer autrui. Il retient pour unique commandement l'amour de prochain. Autrement dit, l'Épître aux Romains témoigne déjà de ce que sera la sécularisation du christianisme. Sa mutation en une religion de l'homme. Alors celui qui a dépeint ça, c'est Feuerbach, enfin on n'a pas le temps. Mais c'est lui qui perçoit ça au 19e. Il dit au fond, le christianisme annonce quelque chose, c'est l'homme avec un grand H. Et ensuite on a les droits de l'homme et puis ce sacré affirmé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que j'ai évoqué tout à l'heure. Pour le dire de manière plus simple, on trouve dès les origines du christianisme la prophétie d'un effacement de la loi dans une société qui serait donc exclusivement régie par l'amour mutuel, c'est-à-dire une prophétie d'une fin de l'histoire, qui serait aussi une fin de la loi. Cette prophétie a eu une influence énorme sur l'histoire des institutions dans tout le monde chrétien, quoique sous des formes différentes en Occident et en Orient. Dans l'attente de la fin des temps, de cette eschatone, qu'on pensait imminent, mais qui tardait toujours à venir, l'Europe médiévale s'est appropriée, bon, parce que c'est bien joli de dire il y a l'amour, mais quand vous dirigez des sociétés, des empires, même une seigneurie, ça ne suffit pas. Bon. Alors, c'est la raison pour laquelle, ça ce sont les travaux de Pierre Legendre qui montrent ça, et ceux d'Harold Berman, qui ont trouvé ça, j'allais dire, en même temps, à peu près, par des voies différentes, ce processus de redécouverte du droit romain par une religion qui, à la différence du judaïsme ou de l'islamisme, n'avait pas de préceptes juridiques et qui a donc dû se réapproprier le corpus de droit romain. Et l'Europe médiévale, ainsi, s'appropriant le code de Justinien, ce code est devenu notre second livre à côté de la Bible. Il y a donc deux livres. Bon, je vous renvoie aux travaux de Legendre sur ce point. Dans l'histoire, qui est une histoire sédimentaire des institutions, les écrits de Paul ont ressurgi avec des interprétations nouvelles au début des temps modernes et ont donné naissance au protestantisme et à sa doctrine du salut par la foi seule. Ce moment protestant a donné lieu au deuxième tome du livre de Harold Berman sur État et Révolution. Ce deuxième tome est sur la Révolution protestante. Il est extrêmement intéressant parce que c'est dans les royaumes protestants que, pour la première fois, les princes vont se trouver seuls à affronter la question juridique sans se référer à l'autorité des papes. Donc c'est la modernité juridique naît là. Elle n'attend pas 1789 et les impatiences françaises, qui sont généralement d'ailleurs assez longues à se faire sentir par rapport aux impatiences anglaises, si on compare les décapitations respectives de leurs monarques. Donc, c'est le protestantisme qui va réactiver cette idée que la loi est au fond, comment le disait Jean Carbonnier, c'est un mal. Certains d'entre vous doivent connaître l'œuvre du doyen Carbonnier, un des plus grands juristes français donc de l'après-guerre, qui a écrit un petit essai sur les lois, un recueil de textes, puisqu'il a beaucoup contribué à la réforme des lois de droit de la famille. Et à la fin de ces essais sur les lois, vous trouvez une postface intitulée « Toute loi est en soi un mal ». Alors, non, un grand juriste, qu'est-ce qu'il veut dire? Eh bien, c'est un grand juriste protestant, explicitement. Et il dit la même chose que Paul. Je le cite, « Dans un peuple de saints, la loi serait inutile ». Ça veut dire que la loi est liée à l'existence du mal, et serait elle-même un mal, mais un mal nécessaire, voué à disparaître avec le mal. Et donc, depuis le XIXe siècle, cette promesse d'un monde purgé de l'hétéronomie des lois a pris des formes séculières. Faute de croire à l'au-delà, certains ont annoncé l'avènement d'une société dans laquelle la maîtrise des lois de la nature et le dépérissement de l'État et du droit ouvriraient une ère d'abondance et de fraternité. On va voir ressurgir ce rêve œcuménique. Ainsi, Marx, dans sa critique du programme de Gotha, donc, dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l'asservissement de subordination des individus à la division du travail, et avec elle l'opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel, quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital, quand, avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi et que toutes les sources de la richesse collective jailliront en abondance, alors seulement l'horizon borné du droit bourgeois pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Ce texte est très fameux. Il annonce le dépassement de l'horizon borné du droit bourgeois. Dans le sillage de Marx, vous pouvez lire Lénine. Lénine, c'est intéressant parce que c'est dans un chapitre qui s'appelle « Les bases économiques de l'extinction de l'État ». C'est très moderne. « Tant que l'État existe, il n'y a pas de liberté. Quand il y aura la liberté, il n'y aura plus d'État. » Et comment ça va marcher? Eh bien, les hommes se seront si bien habitués à respecter les règles fondamentales de la vie en société que leur travail sera devenu si productif qu'ils travailleront volontairement selon leurs capacités et puiseront en bonne harmonie selon leurs besoins. Bon. Ça reste très paulinien, si je puis me permettre de le remarquer. Donc vous voyez que le projet de poser les bases économiques de l'extinction de l'État était présent dans le marxisme-léninisme et est-il besoin de souligner qu'il n'a pas du tout disparu avec l'effondrement du communisme réel. Ça, c'est tout ce que nous avons vu l'an dernier. C'est-à-dire que la foi dans l'harmonie par le calcul a ressurgi avec la globalisation et les revendications libertariennes, qui sont les deux faces économiques et sociétales d'une même médaille. Et leurs prophètes annoncent à leur tour l'avènement d'un monde d'abondance où chacun sera gouverneur de lui-même et n'aura à subir de contraintes qu'il n'ait expressément consenti. Il y a une différence toutefois, c'est que la prophétie communiste annonçait le salut aux damnés de la terre, alors que l'eschatologie libérale récuse toute idée de justice sociale. Au contraire, ainsi que l'a montré Philippe d'Iribarne dans un livre que je vous recommande, qui s'appelle « Vous serez tous des maîtres », elle condamne à la misère ou à la solitude la masse de ceux qui n'arrivent pas à s'affirmer en maître dans un univers de compétition généralisée. Puisqu'on dit la société est un monde plat, les mini-États, là, évoqués par Wim Wenders, en compétition, armés des mêmes droits, et chacun doit devenir gouverneur de lui-même, pour employer la formule foucaldienne. Mais il y en a qui n'y arrivent pas. C'est ça le problème. Et cette promesse ne concerne en réalité, dit Iribarne, que ceux qui ignoraient leur force et qu'elle encourage à en faire usage. Elle n'est pas faite pour les faibles. Et du coup, c'est ce que développe Iribarne dans son livre, si ceux qui n'arrivent pas à s'affirmer en maître, leur destin est un destin d'esclave. Il n'y a plus de place modeste, légitime, dans un univers ainsi purgé de l'hétéronomie. Bon. Alors, cette foi dans cet univers, dans l'univers purgé d'hétéronomie, on peut douter sérieusement qu'il soit possible d'y convertir durablement le plus grand nombre, pour cette raison. Parce que quel est pour objet l'au-delà ou l'ici-bas, la promesse du salut n'a de chance de souder une communauté humaine que si elle s'adresse à tous ses membres et non pas seulement à une petite fraction d'entre eux. Bon, c'est un des enseignements de l'histoire des religions. Vous connaissez dans l'histoire du bouddhisme, le bouddhisme apparaît, au départ, il y a une doctrine qui dit que pour accéder, d'ailleurs c'est même pas au nirvana, c'est un statut, enfin on est libéré du cycle des existences, on ne peut y accéder que par la vie monastique, c'est réservé à un tout petit nombre. Ça, c'est la doctrine du Hinayana. Et puis, elle est concurrencée par une autre, la doctrine du Mahayana, dite du grand véhicule. Vous avez peut-être entendu parler, le petit véhicule et le grand véhicule, c'est toujours dans ces termes imagés, si plaisants. Ces véhicules sont des bateaux, hein, surtout dans l'imaginaire bouddhiste. C'est des espèces de bacs pour traverser l'eau. Donc, le salut, l'Himayana, il y a une toute petite embarcation avec, pour quelques-uns seulement. Le grand véhicule, c'est un très vaste bateau, et d'ailleurs le Bodhisattva attend que le dernier des hommes monte dedans avant de fermer la porte pour que tout le monde soit assuré du salut. Eh bien, ça c'est une prophétie qui a eu plus de succès sur le marché des religions. On peut penser qu'on aura du mal à opérer cette conversion sur une grande échelle. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 7 mai 2014 Alain Supiot, Les figures de l'allégeance. Aujourd'hui, le recul de l'hétéronomie, partie 2. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion. Le juriste a dirigé l'ouvrage collectif « Face à l'irresponsabilité, la dynamique de la solidarité » aux éditions du Collège de France en 2018. Son cours sur la gouvernance des nombres, suivi des figures de l'allégeance en partie 2, a été publié chez Fayard en 2015. Documentation musicale Antoine Villoz. Iconographie web Claire Poinsignon. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie d'Alain Supiot l'analyse des figures de l'allégeance. Nous verrons comment une société sans foi ni loi est insoutenable. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.